Chapitre 6e. Xavier croyait rêver lorsqu'il se vit dans la berline de son oncle, trop bien suspendu, car elle en donnait le mal de mer. Mais la vue des pans de la redingote de Savard assis sur le siège auprès du cocher le convainquait en réalité. 6 chevaux vigoureux, sortis d'un haras renommé, enlevaient la lourde machine sur les routes poussiéreuses. Un relais attendait le voyageur au bout de 60 verstes. Mais à mi-chemin, on s'arrêta pour laisser reposer les nobles bêtes. Xavier descendit pour se dégourdir les jambes. « Voilà une voiture !» fit Savard, qui tournait autour de la berline d'un air connaisseur. « Ça ne ressemble pas à vos coupés du temps présent. De vraies boîtes à allumettes. Ça, c'est une voiture. On n'en fait plus comme ça. Heureusement !» murmura Xavier. Mais il n'osa le dire trop, car son domestique fixait sur lui un regard sévère. On se remit en route et le lendemain matin, sans vicissitude extraordinaire, la berline monumentale déposa le jeune comte sur le perron du château de Bella. Prévenu par un courrier, le personnel du vieux comte Stanitsky se tenait sous les armes, moralement sortant, avec tous les dehors de la plus profonde déférence pour le nouvel héritier. Parmi les serviteurs, quelques-uns, les plus vieux, avaient pleuré. Ceux-là appartenaient à cette espèce bientôt perdue, dont les échantillons survivants sont à peu près introuvables. Les domestiques attachés à leur maître. Les jeunes affichaient cette tenue de suprême indifférence, généralement connue sous le nom de chic anglais. Cependant, à la vue du jeune maître, si jeune, une expression de contentement éclaira leur visage. Avec le nouveau seigneur, bien sûr, les écus allaient rouler. La cérémonie funèbre eut lieu à midi avec un luxe inimaginable de pleureurs et pleureuses, de prêtres et d'archiprêtres, d'ornements d'églises noires, bordées, semées, croisées d'argent. Le vieux comte avait toujours eu un goût pour les choses d'église, et sa chapelle était célèbre à 50 lieues à la ronde. Il fut servi selon son désir. Ses funérailles furent les plus belles qu'on eût vues de longtemps. Xavier témoignait d'une affliction très convenable, eu égard aux circonstances. Pendant la route, il s'était pris tout à coup à chérir le vieillard obstiné qui n'avait jamais voulu le voir, et qui avait néanmoins fait de lui l'un des plus riches seigneurs de Podoli. Tant de bienfaits méritaient quelques récompenses. Il n'était pas au pouvoir de Xavier ni de personne, hélas, de procurer au digne défunt autre chose que ces consolations matérielles dont les morts ne jouissent pas, mais qui satisfont l'ambition ou la vanité des survivants. Donc le jeune comte offrit quelques larmes sincères à la mémoire de son bienfaiteur, ce qui fut grandement loué par l'assistance. Le chagrin de Xavier, cependant, n'était pas assez profond pour lui ôter la notion de ce qui l'entourait, et pendant la cérémonie funèbre, ses yeux s'étaient tournés plus d'une fois vers le coin opposé de l'église où s'étaient groupées les femmes de la maison du défunt. Il y en avait de tous les âges, depuis celui de la tendre innocence, disons 5 ans, jusqu'à celui de la décrépitude consommée. Elles pleuraient toutes également d'un cœur sincère, avec des yeux qui ne craignaient pas la rougeur des larmes, le maître qui avait toujours été bon pour elles et dont la mort mettait en question l'avenir de leur existence. Qu'adviendrait-il en effet de tout ce personnel aussi nombreux qu'inutile désormais? Le jeune comte entretiendrait-il au château cette armée de femmes de charge, de blanchisseuses, de lingères, etc.? Plus d'une, tout en sanglotant dans son mouchoir, se demandait avec angoisse. Le jeune comte portera-t-il des chemises en batiste avec jabot plissé à la main, comme l'excellent maître que nous pleurons? Ou bien se fera-t-il faire son linge à Londres, ville d'ignominie, ou à Paris, ville de perdition? En ce cas, nous n'aurions plus d'autres ressources que de finir nos jours dans la misère et l'abandon. Xavier était loin de se douter de l'émotion que produisait dans cette horde féminine la contemplation de son col de chemise, droit, légèrement cassé au coin, irréprochable spécimen du travail de messieurs X et compagnie. Cependant, il plongeait son regard dans l'essaim des femmes éplorées, et n'ayant pas de lorgnon, il n'en distinguait que mieux les traits florissants ou flétris de ces pleureuses non salariées. L'une d'elles attira son attention plus particulièrement. Vêtue de noir, voilée de crêpe, elle se tenait un peu à l'écart, un peu en avant, comme si elle eût eu une sorte de droit à se soustraire au contact des autres. Elle appartenait par son extérieur à cette catégorie de femmes dont on peut dire qu'elles n'ont pas d'âge. Elle avait été très jolie 10 ans, 20 ans ou 30 ans plus tôt. Le temps importait peu désormais. la pauvre créature ayant visiblement renoncé depuis longtemps à conserver la beauté qu'elle avait pu avoir. Xavier, qui, pendant les prières, fort longues, laissait parfois errer son attention, se demanda à quelle classe de la société devait appartenir cette personne et conclut en faveur des dames de compagnie. Comme il la regardait une fois encore, avec un certain intérêt augmenté par la curiosité, il s'aperçut que l'objet de son attention s'était soudainement dédoublé. Ce n'était pas une femme, mais deux femmes qu'il avait sous les yeux, de la même taille, vêtues du même vêtement de deuil, portées avec la même grâce décente, le même maintien modeste. Seulement la plus âgée lui avait jusqu'alors caché la plus jeune, dont le joli visage n'offrait avec l'autre qu'une ressemblance indécise, ce qu'on est convenu d'appeler un air de famille. C'est il y a environ 17 ans qu'elle était jolie, se dit Xavier, dont le calcul mental fut confirmé par la vue de la jeune personne. Celle-ci est la fille de celle-là, et je veux bien que le diable m'emporte, si elle a plus de 16 ans. La voix du prêtre qui entonnait le De Profundis ramena le jeune héritier à des pensées plus graves, et la cérémonie s'acheva sans encombre. Par des cordes toutes neuves, roulant sur des poulies bien graissées, qui ne faisaient aucun bruit de nature à déchirer l'âme des assistants, le défunt fut descendu dans le caveau où il devait reposer à côté de ses pères, sans que rien le troublât jusqu'au jour où Xavier viendrait l'y rejoindre. Mais la pensée de ce logis définitif ne préoccupait guère le jeune comte. Il regardait la jeune fille en deuil et qui, son mouchoir blanc pressé sur sa bouche, contemplait le mouvement lent et régulier des cordes sur la poulie. Le cercueil descendait toujours, on ne le voyait plus, mais la corde continuait à se dérouler sans bruit, et dans les yeux bleus, où les dernières larmes s'étaient arrêtées, se lisait l'indicible mélancolie d'un être jeune et charmant, éprouvé pour la première fois par le sentiment de l'irréparable. Tout était terminé. Avec quelle convenance et quelles attentions délicates pour les nerfs des survivants. Vraiment, il faut avoir eu pendant 70 ans une chapelle à soi, pour être enterré avec cette décence et ce confortable. La foule s'écoulait peu à peu, se dirigeant vers le château où l'attendait le banquet des funérailles. « Quelles sont ces deux femmes ?» demanda Xavier à son nouveau majordome, au moment où elles passèrent devant lui, le mouchoir aux yeux et les voiles baissées. Le majordome sourit d'un air fin, autant qu'un majordome peut se permettre de sourire au moment où il vient de rendre les derniers devoirs à son ancien maître, et juste autant qu'il doit sourire pour complaire au nouveau seigneur. C'était d'ailleurs un majordome fort avisé. « Celle-là, » dit-il d'un ton qui pouvait être considéré comme respectueux, mais aussi, dans le cas où le respect se fût montré inutile, qui pouvait passer pour une discrète raillerie. Ce ne sont pas tout à fait des dames. La plus âgée a été ménagère au château il y a une 15aine d'années. Depuis bien longtemps, elle vivait ici, mais ne faisait plus rien. C'est une demoiselle noble, Marthe Menzel. Un petit silence suivit, afin de laisser au jeune comte le temps de se former une opinion sur la demoiselle noble, car chacun doit avoir une opinion sur le compte de chacun. Puis, pour renverser cette opinion toute fraîche et encore peu solide, le majordome ajouta finement « Sa fille, Mademoiselle Thécla, a 16 ans seulement. Elle est très bien élevée. Elle sait le français et elle touche supérieurement du fortepiano. Elle ressemble beaucoup au feu comte, que Dieu ait son âme. Et ces dames ont reçu de la munificence du défunt de quoi vivre sans rien demander à personne. » Voyant que Xavier réprime un mouvement, le majordome reprit « Sans porter, bien entendu, aucun préjudice à l'héritage patrimonial de Monsieur le comte Xavier. » Le défunt savait trop ce qu'on doit à la parenté, et il a avantagé ses dames sur ses économies. « C'est bien, » fit le jeune héritier. Il passa la tête haute devant ses vassaux, correctement rangés pour lui faire honneur. Le repas eut lieu comme il convient. Les seigneurs des environs s'y grisèrent abominablement, suivant l'usage, et le mort, tranquille dans son cabot, dont la pierre avait été aussitôt recellée, put se dire, si tant est qu'il se dit quelque chose, que son souvenir, dûment fêté, ne sortirait pas de longtemps de la mémoire de ceux qui avaient bu à ses funérailles.